pasa, les pasa. Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pepito, tu nous sors le couteau. Alors Pepito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Pour les vrais, pas les poutos. Sans moi d'azonto, je mets la vodka dans le pulco. Je suis pas sous coke, c'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer, j'ai pas changé mon photo. Je traîne dans la zone ou au coquet. Oh yo, je te charge en moto. Je baisse après ma poule, je mets des claques. Oh yo, kodo, kodo. Je te charge en moto. Je baisse après ma poule, je mets des claques. Oh yo, kodo. Je partage mes sons gros. Tu soutiens la famille. Tu fais les indules. Tu portes les t-shirts. Alcool et gadi. Location de bouteilles. Les consommations sont gratuites. Les gens m'aiment des. J'attire les ennuis. J'attire les photos. Rien à faire, on s'ennuie. Mais faut dire de merci. Alors bambino, tu veux rouler sans guidon. Mais pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mat, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les panales. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mat, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pepito, tu nous sors le couteau. Alors Pepito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Je ne vais pas les poutos. Comment t'as donné? Mets la vodka dans le pulco. Sushi pas sous coke. C'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. Je suis dans la zone ou au coquet. Oh no. Je te charge en moto. Je te baisse après ma poule. Je te mets des claques. Oh no. Kodo. Kodo. Je te charge en moto. Je te baisse après ma poule. Je te mets des claques. Oh no. Kodo. Tu partages mon son. Tu soutiens la famille. Tu fais le single. Tu portes les t-shirts. Alcool et gadi. Location de bouteilles. Consommations gratuites. Besoin même aider. J'attire les ennuis. J'attire les photos. Rien à faire, on s'ennuie. Mais faut dire de merci. Alors bambino, tu veux rouler sans guidon. Je suis pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. Je vais même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mat, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les fans. Je vais même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mat, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les fans. J'esquive les banales, ouais, c'est devenu banal. J'esquive les banales, c'est devenu banal. C'est banal, c'est banal, c'est banal. Merci. Merci. Merci.